Oh les gars, vous avez vu comment il a fait? Le bâtard là qui est parti, tu as vu ce qu'il a fait? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Et tous les jours c'est la même chose, hein? Dès que je sors du quartier, il y en a un qui veut qu'il me casse la soirée. Toujours pareil, les têtes rouges là. Tu les vois pleines de haine sur leur visage et tout. Elle laisse tomber, qu'est-ce que tu t'en bats les couilles de ce mec? Tu vois pas que c'est un truc du fion? Qu'est-ce que tu nous fais là? Non, bravo, toujours je vais laisser tomber. Il y en a marre maintenant. Il croit quoi lui? Que j'ai débarqué hier? Il n'y a qu'une seule chose que je sais, c'est que je suis né ici, moi.